Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique à CKIA FM 88.3 à Québec. Oui, mesdames et messieurs, en cette belle journée, ce 22 novembre, déjà nocturne à 7h, et oui, et on va vous parler jeux comme à notre habitude. Et cette semaine, une grosse émission comme à notre habitude également. On va parler avec Chantal Campagna, alias Fraulein Evil. On va vous parler de jeux de plateau. On va parler d'événements ludiques et également en début d'émission. Mais on a aussi un invité en studio, un ancien collaborateur de Puissance Maximale qui est à Québec pour venir faire son tour, Monsieur Gabriel Godette. Comment ça va, Gabriel? Pas mal, et vous? Ça va très bien. Et là, on va faire une petite discussion en deuxième partie d'émission, petite discussion entre nous sur comment finalement bien gérer notre vie normale, notre vie d'adulte et aussi notre passion qui est finalement le gaming, donc le jeu. Et on va parler de ça avec Gabriel plus tard dans l'émission. Et je vais vous présenter Monsieur Andrew Castegan qui est à la console comme à son habitude. Salut Andrew. Bonjour Monsieur Michaud. Comme ça, ça va bien. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Excellent. À un moment donné, je vais arrêter de répondre. Tu vas le dire à ma place. Ben oui, pourquoi pas. Et Andrew, c'est Andrew à la console, il va bien. Il va bien, mesdames et messieurs. Et Andrew va participer avec nous à cette discussion en deuxième partie d'émission. Et comme à notre habitude, on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, où vous pouvez aller chercher toutes nos anciennes émissions, en version podcast, aussi d'autres chroniques, des nouvelles. Et vous pouvez aller également sur Facebook pour aller nous aimer, parce que nous, on vous aime. Vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver très facilement. On vous rappelle également qu'il y a toujours le site de CKIA FM, le CKIAFM.org, pour aller faire des dons. Pour avoir votre carte de membre de Skyia pour 2012-2013. Donc, encourager une station différente à Québec, un micro libre et aussi une diffusion différente et, en même temps, Puissance Maximale. Et, comme à notre habitude, on va commencer en musique et on va commencer avec un groupe de la région de Québec, Blinded by Fate. C'est ça? Oui. Excellent. Non, c'est pas joli, pas en face de moi, la liste. Et peux-tu nous rappeler le titre, monsieur? The Last Missive. Yes, merci beaucoup. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Drive, I never commit. Pass my time, I am the right. Les murailles du château. Ah, sale verre baveuse! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson de Blinded by Fate. Et on va rejoindre Madame Chantal Campagna alias Fräulein Evil de Distribution Dude. Pardon. Salut Chantal, comment ça va? Ah, ça va vraiment super bien. Il reste 33 de dos avant Noël. On a hâte. Et oui, et là, Chantal, on va avoir une grosse, grosse chronique ensemble parce que tu vas nous parler événements ludiques, puis on va faire un retour aussi de ta visite à SN. On en avait parlé il y a déjà plusieurs semaines et on va faire un retour là-dessus. Mais on va commencer par les événements ludiques parce qu'il y a des trucs qui s'en viennent rapidement. Entre autres, Ludo Outaouais qui s'en vient cette fin de semaine à Gatineau. Oui, alors Ludo Outaouais, c'est un événement qui est organisé par Ludo Outaouais. En fait, c'est un groupe ludique qui se rencontre plusieurs fois dans l'année, ils jouent, ils ont eux, ils ont une ludothèque permanente à Gatineau. Et une fois par année, ils organisent les Ludo Outaouais. C'est une fin de semaine. Alors, c'est du 23 au 25 novembre. Et c'est au centre communautaire Tétro. Et ça, c'est à Hall. Donc, tout le monde est invité. C'est pas tellement... En fait, ce n'est pas du tout dispendieux. Et eux, ils ont vraiment... en fait, ils mettent à la disposition des gens leur ludothèque à eux. Ils vont aussi avoir des démonstrateurs sur place. Donc, il va y avoir des jeux de Fox Mind, du Z-Man Games, du Philosophia, du Edge, du Pearl Games. Et il y aura aussi Mafia Casino qui sera présenté en toute première dans le quartier, en fait, dans cette région. L'auteur Simon Duquette va être là pour présenter son jeu, mais il va y avoir tout plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. C'est bienvenue à toute la famille, mais en même temps, les joueurs un peu plus expérimentés vont vraiment, vraiment, vraiment trouver de quoi se mettre sous la dent. Excellent. Il y a d'autres événements aussi. On parlait justement de Mafia Casino. Bien, il y a un lancement montréalais qui est prévu le 29 novembre au Randolph. Oui, alors c'est le 29 novembre à 6 heures. Le Randolph, c'est un pub ludique qui a ouvert cette année à Montréal. C'est au 2041 Saint-Denis. Alors, c'est trois espèces de poignées des jeux qui ont décidé d'ouvrir un pub et ils se sont associés avec Normand Damour, qu'on voit dans tous les téléromans, là, qui est un gros joueur, en fait. C'est un gars qui aime beaucoup, beaucoup les jeux. Alors, les quatre ont parti le pub ludique ensemble. C'est un local extraordinaire. C'est sur deux étages. Et c'est ça. Alors, boîte de jeux, la boîte d'édition qui nous a offert Mafia Casino a organisé un lancement le 29 novembre à 6 heures. Simon Duquette va être sur place. Encore un des co-auteurs, ainsi que Éric Raymond qui va descendre de son Abitibi pour venir nous présenter le jeu. Alors, ça va être un événement très, très le fun, très, très ludique et surtout très informel. Donc, excellent pour le 29 novembre. Mais là, on va se rapprocher de ce qu'il y a, donc à Québec. Et il y a la Fiesta ludique qui va être à Québec le 1er décembre, donc la fin de semaine, dans deux fins de semaine, on va avoir ça le 1er décembre à Québec. Oui, oui, mais en fait, oui, il y a une Fiesta ludique montréalaise depuis bientôt 5 ans, je crois. Mais là, finalement, c'est le troisième opus à Québec. Donc, la Fiesta ludique dure seulement une journée. La Fiesta ludique, c'est quoi? C'est organisé par Philosophia pour mettre en valeur leurs jeux, donc leurs éditions à eux et aussi leur distribution. Mais quand même, c'est ouvert à tout le monde. C'est un événement qui est gratuit. Il y a des démonstrateurs sur place qui font jouer aux jeux. Et c'est à l'Université Laval que ça se passe, au pavillon Charles de Koninck. De Koninck. Oui. J'étais pas sûre que je le disais comme il faut, mais bon. C'est de 10h le matin à 9h le soir. Donc, il va y avoir un tournoi de Summoners Wars, un rallye ludique. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, pour les gens qui veulent découvrir les jeux, c'est l'occasion de se gâter. Et c'est à Québec. Hein, qui a dit qu'il ne se passait rien en région? Ah, merci Chantal de parler de Québec comme étant une région. Et on voudrait vous dire en même temps que l'équipe de Puissance Maximale va être présente lors de la Fiesta ludique. Monsieur Castagan et moi-même, et même peut-être Monsieur François Gécouillard, on va essayer de le ramener dans le giron ludique pour l'amener à la Fiesta ludique de Québec le 1er décembre. Donc, un rendez-vous pour les joueurs et aussi les fans de Puissance Maximale. Autre chose qui s'en vient, la Mini Comic-Con du 8 décembre. Ben, la Mini Comic-Con du 8 décembre, c'est exactement ce que ça dit. C'est une petite Comic-Con, donc c'est sûr que ça n'est rien à comparer à la grosse Comic-Con là, qui a lieu au mois de septembre, qui dure 3 jours. C'est seulement un événement qui dure la journée. En fait, ce que ça va permettre aux gens, c'est de se régaler un peu d'affaires geeks, donc de super-héros. Il y aura les Heroes of the North qui vont être là. Il va y avoir un tournoi de lutte. Et il va aussi y avoir une salle avec des exposants qui vont avoir des affaires geeks à vendre. Donc, c'est une occasion parfaite pour aller acheter le cadeau parfait pour le geek qui a déjà tout. C'est comme un salon des métiers d'art, mais de Star Wars, finalement, ou de Star Trek, ou de D&D. Excellent. Et en plus, là, tu viens de me parler d'un tournoi de lutte, là. J'hésitais, je vais peut-être monter à Montréal le 8 décembre pour aller voir ça. Et on revient avec le jeu Mafia Casino parce qu'il va y avoir aussi une activité à Québec, encore une fois. Ça va être chez TPM, donc la boutique du collectionneur. Oui, c'est ça. En fait, Mafia Casino, les auditeurs se font aller finalement pour présenter le jeu le plus possible. Donc oui, il y aura un lancement à Québec de Mafia Casino avec Simon Duquette, le co-auteur, qui pourra signer les boîtes pour les fans qui se présenteront. Évidemment, le jeu est déjà en vente à TPM à Québec et d'autres boutiques aussi comme CTM, Benjo, etc. Mais c'est CTM qui va les recevoir. Donc, aux Galeries de la Capitale le 14 décembre. Et ça va être à partir de 5h et jusqu'à 8h, mais bon, si les fans insistent, Simon voudra sûrement rester un peu plus tard. Je ne crois pas qu'il y aura de problème. Excellent. Et là, après autant d'activités ludiques, on va aller vers ton retour du Salon des Scènes. On parle d'un salon sur les jeux de plateau, jeux de société. Et là, tu vas nous parler des trois premières positions sur le fair play. Donc, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Ben en fait, le fair play, c'est assez simple. C'est un kiosque à Essen où les joueurs peuvent aller après avoir fait leur partie de jeu. Donc, les joueurs essayent un jeu, un tel, etc. Et à la fin de la journée, ils peuvent aller voter. Et à la fin de chaque jour que dure le salon, le fair play fait le compte des votes et donne les positions des jeux préférés, des jeux qui sont le plus appréciés par les joueurs. Donc, il y a tout un barème, finalement, là, de notation et à la fin de chaque jour, ben ils vont avoir un classement et à la fin des 4 jours, il va avoir un classement final. Cette année, on retrouve Myrm de Hystérie, Keyflower de Ouch et Ginkopolis de Pearl Games. Alors, on a déjà parlé de Ginkopolis parce qu'on avait parlé des previews d'SN, mais Myrm, c'est quand même intéressant parce que c'est un jeu français et parfois, ceux-là passent un peu inaperçus. Parce que, évidemment, on est en Allemagne et on est un peu loin de la France. Mais ce sont des bons choix. Donc, Myrm, c'est un jeu de Hystérie. La compagnie avec les Y dans le nom. Et c'est quand même assez intéressant au niveau concept parce qu'on joue des fourmis. Donc, on a chacun notre petit napperon, finalement, qui va correspondre à notre colonie de fourmis. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de se démarquer parce que au royaume de Myrm, les colonies de fourmis luttent depuis des siècles et des siècles et des siècles pour dominer leurs voisines. Donc, pour mettre fin à cette guerre-là, le Conseil des Reines a décidé qu'il y aurait une dernière bataille, puis ça serait final bâton. Donc, on va lancer nos soldats et nos ouvrières à l'assaut du royaume. On va remplir nos réserves, chasser des insectes. Il y a des petits cubes parce qu'on va pousser des petits cubes de bois dans ce jeu-là. Évidemment, c'est un hystérie. Donc, on va pousser nos petits cubes de bois qui sont nos phéromones. On va avoir des figurines de fourmis qui sont vraiment très, très cute. Donc, c'est un beau jeu de gestion, mais avec un thème qui est vraiment rafraîchissant. Il est superbe. Et là, on parlait de Myrm, mais pour Keyflower et Ginkopolis, est-ce que c'est des titres qui sont déjà connus, ça? Ben, Keyflower, en fait, ça vous dit probablement quelque chose parce que c'est le 7e jeu qui est publié dans l'univers de Key, entre guillemets. Key, c'est un univers médiéval complètement inventé, mais il y a 7 jeux qui sont sortis. On a vu Key Largo, par exemple, dans une autre année. Donc, c'est le 7e. Là, évidemment, parce que je dis qu'il y en a 7, je peux seulement me souvenir de 1. Mais c'est cela. Donc, en même temps, c'est toujours un design c'est une collaboration entre Richard Brise et Sébastien Blinsdale. Et c'est la septième opus dans cette série-là. Alors, ça donne une très belle sensation de liberté, ce jeu-là. Il n'y a pas de plateau, il y a seulement quelques meeples, on a un paravent. Il y a des tuiles qui sont sur la table. Et puis, allez hop, cascade, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer le village le plus lucratif et attirant possible. Donc, pour ce faire, on va prendre les actions qu'on veut. Il y a une belle phase d'enchères fermée qui est absolument superbe et qui entraîne vraiment une interaction totale. Donc, on va planifier, il va y avoir évidemment des coups bas. On va essayer d'optimiser. C'est vraiment superbe. Donc, ça fonctionne parfaitement. C'est fluide. Il n'y a pas de déséquilibre. Je comprends vraiment pourquoi il est arrivé en deuxième place dans le fair play. Et après justement, Cliff Flower, il y a tu m'avais mis une petite note là pour parler de Gingo Police en disant encore, parce que t'as l'air de me dire que justement c'est un succès ce jeu là. Ben en fait, Gingo Police, c'est parce qu'on en avait parlé avant de partir pour SN, parce qu'il était dans le gros geek buzz là de Board Game Geek, puis tout le monde ça demandait, etc., etc. Et quand on le joue, on comprend pourquoi Pearl Games se retrouve encore dans le top des classements SN. Vraiment, ce sont des règles qui sont excessivement simples, mais le jeu a une recherche qui est absolument exceptionnelle. Donc, on a en fait une espèce de deck building collectif. À chaque carte de la pioche va correspondre soit à un bâtiment de la ville ou soit à un terrain qui est libre pour agrandir la ville. Et nous, on a 4 cartes en main. On va en choisir une et on va pouvoir faire 3 actions possibles avec cette carte-là. Donc, activer le pouvoir du bâtiment, agrandir la ville, construire en hauteur. Et c'est ce choix, cette mécanique limitative qui rend le jeu absolument extraordinaire, parce que chaque tour est un choix qui est toujours difficile. On veut tout faire et on ne veut pas. Le problème, c'est que les actions qu'on n'a pas choisies, les cartes qu'on n'a pas, on va les passer aux voisins. Donc, c'est aussi, bon, cette carte-là, je veux la jouer, mais si je ne la joue pas, peut-être que mon voisin va la faire. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Ça va, c'est un jeu qui est vraiment rapide aussi et qui marche très, très bien. Les interactions sont super fortes et c'est vraiment ce qui apporte un charme extraordinaire. En plus, en fait, du graphique qui est assez surprenant aussi venant de Pearl Games. Le choix de couleurs, ils ont changé d'illustrateur. Donc, ça nous sort vraiment du feeling médiéval de Tournée ou de Troyes. Ginkgo Police, ça nous propulse dans le futur. Chantal, c'est Gabriel, en fait, l'ancien collaborateur qui a une question pour toi. C'est assez égoïste, en fait, comme question, mais ça ramène un peu au thème, comme tu disais, Noël est dans 33 jours. 33 dodo, pardon. Donc, j'aurais besoin d'une suggestion de cadeau, en fait, pour mes parents qui aiment beaucoup les jeux de société, mais en fait, quand on veut jouer, c'est toujours les mêmes vieux jeux plates. Moi, je sais, par exemple, qu'il y a quelques années, j'avais... Non, mais parce que les vieux jeux plates, parce que c'est carrément Monopoly ou Categories, c'est le fun, mais on l'a déjà fait. Il y a quelques années, j'ai acheté le jeu Chinatown que j'ai trouvé extrêmement agréable parce que il y a des contraintes, on n'a pas besoin tant que ça de recourir au hasard. On peut comprendre le jeu vite, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que si, par exemple, mes parents reçoivent des gens souper qui veulent jouer au jeu, ils n'ont pas besoin d'expliquer, de comprendre les règlements pendant 30 minutes ou de le perfectionner après plusieurs parties. Et Chinatown, en fait, aurait été une espèce de jeu prototype parfait. Le problème, c'est que mon père a un passé un peu marxiste-léniniste communiste et il dit « Ben là, Chinatown, c'est un jeu strictement capitaliste. Moi, je veux rien savoir de ça. » Donc, et c'est très vrai, là, il m'a dit ça. Donc, quel jeu tu suggérerais? Ça peut être, en fait, idéalement, ça serait un jeu québécois pour encourager l'industrie. Ça pourrait être un jeu récent aussi pour un peu mousser... quelque chose qui aurait été fait d'intéressant cette année, ou sinon peut-être quelque chose qui est juste dans ton top 5 là. Quel titre tu me recommanderais pour une demande aussi précise? Ben en fait, moi quand j'ai affaire à des gens qui sont un petit peu plus âgés, habituellement je vais vraiment dans les classiques. C'est intéressant que tes parents aient aimé Chinatown. Chinatown, c'est un jeu de négociation qui est absolument génial. D'ailleurs, c'est le seul jeu où moi j'accepte de jouer quand il y a de la négociation, parce qu'habituellement, je trouve que vraiment ça ralentit énormément. Mais Chinatown est vraiment très, très bon pour ça. Cela dit, avec les gens plus âgés, moi, je te conseillerais un jeu de plateau qui s'appelle Kingdoms, qui est un jeu vraiment génial. On peut faire seulement 3 actions à notre tour. C'est un jeu... où on comprend ce qu'on fait à la fin de la première manche, mais on va accumuler des points pendant 3 manches. C'est un jeu de plateau, c'est de la prise de territoire, on a un feeling de jeu d'échecs, on a un feeling pour les amateurs de blocus. C'est vraiment de la prise de territoire, mais en même temps, il y a vraiment une ouverture pour faire des petits coups de cochon, mais pas trop, et c'est un jeu où on va calculer constamment pour avoir la meilleure position et optimiser nos châteaux. Kingdoms, pour moi, c'est un winner. C'est un jeu qui plaît énormément. Tout le monde qui l'ont essayé ont aimé. Pour moi, c'est vraiment... c'est le jeu passe-partout de cette année. merci beaucoup pour cette suggestion-là. Je pense que je vais aller avec ça et je pourrais te référer. En fait, mes parents vont te recontacter s'ils ont apprécié le jeu pour avoir besoin de plus de, s'ils ont besoin de plus de suggestions. Ça va me faire plaisir. Et là, Chantal, le temps nous presse. Il nous reste que quelques minutes. Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux autres jeux à nous parler avant qu'on se quitte? Là, on va être obligé de se reparler de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. En plus, pour le temps des fêtes qui s'en vient, on va falloir se faire un petit spécial cadeau. Mais pour la fin de ta chronique d'aujourd'hui, est-ce que tu auras encore peut-être un ou deux jeux à nous parler? Ben, si on a seulement un ou deux jeux à parler, on va parler de Zombicide! Alors, Zombicide, c'est le jeu ultime de Zombie. Il est sur le bateau, il est attendu. C'est un jeu de figurines coopératif. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu-là? On va essayer de tuer des zombies. Alors, la science, toujours en quête de productivité, a créé finalement des zombies. Ça a ruiné notre monde. Et maintenant, c'est le temps de nettoyer tout ça. Il va falloir faire un Zombicide. Donc, on va endosser le rôle de survivant et on va chacun avoir des capacités uniques avec notre petite figurine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en équipe face aux zombies qui essayent évidemment de nous manger. Donc, c'est un jeu qui se joue avec des scénarios. Dans la boîte de base, il y aura 10 scénarios qu'on va essayer de résoudre. Donc, on n'est pas obligé de jouer avec tout ce qu'il y a dans la boîte. C'est des parties qui sont hyper rapides, c'est dynamique, c'est drôle. Il y a tout un système en plus sur l'Internet, des gens qui créent leurs propres scénarios, qui les mettent en ligne pour jouer. Donc, c'est un jeu très, très dynamique qui marche à la grosse planche. Si vous avez un jeu à essayer à Noël avec des gens qui aiment les jeux de société, c'est Zombicide cette année. Excellent. Moi, en plus d'adorer les jeux coopératifs, j'aime ça taper des zombies. Donc, merci de la suggestion. Et une dernière suggestion, un dernier jeu là, avant qu'on se quitte, Chantal. Ben, en fait, moi, j'irai avec Bears. C'est un petit jeu de dés qui est vraiment génial. C'est 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui se détaille à une vingtaine de dollars. Et c'est vraiment une boîte de fun. C'est un jeu d'observation rapidité. Donc, on a des dés avec des ours. Et en fait, sur le dé, il y a des ours, des campeurs et des shotguns. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des couples de dés. Donc, on lance tous les dés en même temps et tous les joueurs simultanément ramassent des dés pour faire des couples. Par exemple, si on a un shotgun avec un ours, ça nous fait 1 point. Si on a un campeur avec un shotgun, ça nous fait 2 points. Si on a un campeur avec une tente, on va pouvoir avoir des points, sauf que si dans le milieu, aussitôt qu'il reste seulement des tentes ou seulement des ours, donc ça va être une fin. On crie « Bears! » OK, il reste juste des ours dans le milieu. Si j'ai ramassé des campeurs avec des tentes, ben ils vont se faire manger. Donc, je vais perdre des points. Par contre, si à la fin, il reste seulement des tentes et que j'ai des campeurs avec des tentes, je vais faire 5 points par couple. Donc, c'est vraiment, c'est un jeu de rapidité, observation, c'est puissant. C'est des parties de 10 minutes maximum. C'est vraiment génial. « Bears! » Merci beaucoup, Chantal, de cette dernière suggestion. Écoute, on va se reparler pour le temps des fêtes qui s'en vient rapidement. On l'a dit, le 33 de dos. On va se parler avant ça pour faire des suggestions à nos auditeurs pour ce qui est les jeux de plateau, jeux de société. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été avec nous. Encore une fois, toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Au revoir, Chantal. Et on continue en musique, M. Castegan. Oui, une toune d'un chanteur que t'aimes bien, Mononcle Serge. Oh yes! Du nom de Fred. Oh yeah! Fred, qu'on retrouve, si je me rappelle bien, sur le Serge Blanc d'Amérique. Ça, c'est le nom de l'album. Et vous attendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. J'approche de la porte, odeur bien forte, de brin de sapin, c'est-tu porté? J'tourne la poignée, chemise carottée, grosse calotte LED, c'est bien notre Fred. Qu'est-ce que tu fais là, mon divers homme? Reste pas dans la porte, bouge ta calotte. Non, non, trompe, le sacrament, spot mon écran, compromettant, où sont les titres de toutes ces hits, ce retrouve-là, AFP3. Don't go. pied. J'suis cheap, je le sais, mais c'est plus fort que moi. J'aime bien tes disques, j'trouve que ça sonne. Mais quand que c'est gratis, c'est bien plus fun. Là, vous pensez tous que Fred est en beau Chris, hein? Ouais. Mais Fred dit, faites-moi en pas, y'a rien là, les MP3, c'est pas moi qui va perdre grand chose là. Quand que t'achètes chez HMV, pardon, le cassette, pardon, CD, c'est bien là que toi tu sors. Il y a à peine quelques scènes qui prennent le chemin des poches des auteurs proches ou des auteurs qui se pensent meilleurs. Tout le reste va au Céléron, aux maisons de disques, membres de la disque, aux éditeurs, distributeurs, Archambault, Pelado, pis dans mon cas, Pierre Thibault. Avant de passer à la TV, faire des annonces ou ce que je prononce, et ça, mon plate contre les pirates, pis que je me choque comme Zephy Choc. M'entends encore un petit escousse, le temps qu'elle pousse, les pamplemousses, ça se tire aux mousses dans le cul des rousses. J'étais soulagé que le bon Fred se mette pas à broyer comme Wilfred. Fait que moi et puis lui, on s'est assis, pis sans scrupule, comme deux crapules. On s'est ouvert des bonnes moose head en downloadant du Motorhead. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Fred de mon oncle Serge. Et là, on va rentrer en mode discussion, mesdames et messieurs. On va vous parler de la vraie vie, des vraies affaires. Et oui, parce qu'à Puissance Maximale, on vous dit les vraies affaires. T'allais dire quelque chose, Andrew? Ouais, mais je me suis dit que ça allait être trop niaiseux. Ah, c'est bon, j'aime ça que t'es rendu avec de l'autocritique, là. C'est bon. Je préfère faire craquer ma chaise. Ah, c'est bon. Et on est avec M. Gabriel Godette, qui est un ancien collaborateur de l'émission, qui est de passage à Québec et qui s'est invité dans nos studios, puis on l'a accueilli avec grande joie. Salut, Gabriel. Salut. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler, on va discuter ensemble de comment gérer un peu, comment on fait, nous, pour gérer un peu nos vraies vies, nos vies professionnelles, nos vies amoureuses, nos vies sociales, avec, finalement, l'aspect qui prend beaucoup de place souvent, le gaming. Ben, en fait, oui, pour peut-être faire un petit rappel aux auditeurs qui n'ont pas entendu ma voix depuis longtemps, j'étais intervenant dans l'émission un peu à titre de chroniqueur académique, en ce sens que je fais un doctorat en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal. Je m'intéresse à la littérature, la bande dessinée, rapport texte-image, etc. Mais j'ai toujours eu une tendance vers les jeux vidéo. Les jeux vidéo, qui est un domaine d'études universitaires très sérieux, en émergence et de plus en plus intéressant, en fait. Et donc, moi, je travaillais dans un centre de recherche où il y avait beaucoup d'essais sur les jeux vidéo. Et ce que je me donnais un peu comme rôle, c'était de lire ces essais-là, de les résumer, les analyser, les résumer, et venir en parler à l'émission, donc le vulgariser pour les auditeurs. Et en fait, donc, pour moi, avant, c'était pas compliqué de gérer mon rapport au gaming parce que je le faisais dans mes fonctions professionnelles, littéralement. J'ai même écrit pour mon centre de recherche, le laboratoire NT2, un dossier thématique où je recensais plusieurs jeux vidéo que j'appelais un peu des jeux vidéo herméneutiques, c'est-à-dire des jeux vidéo qui étaient vraiment dans une vision artistique dont les paramètres de jeu menaient vers une espèce de, on pourrait appeler ça bêtement un peu un message, mais une morale, une réflexion à tout le moins. Donc, à l'époque, je pouvais jouer à des jeux vidéo de manière assez facile, donc c'est-à-dire dans mes fonctions professionnelles, j'étais payé un peu pour jouer à ces jeux-là. Je venais en parler à l'émission. J'ai arrêté après un moment parce que j'avais fini mon dossier d'une part et d'autre part parce que, bon, et c'est là que je vais en venir, plus on grandit, plus on a des priorités ou des responsabilités, moins on a de temps. Et donc, moi, je savais donc à partir du moment où je serais plus capable de remplir le mandat que je m'étais fixé pour Puissance Maximale. Au même moment, mon très bon ami Diego Lamana a commencé des études en jeux vidéo, donc je lui ai un peu comme cédé ma place parce qu'il fait ce travail-là maintenant et je pense qu'il le fait même mieux que moi. Donc, et l'autre problème en fait que j'avais, c'est que c'était parfait pendant un moment quand avec mon emploi, j'étais obligé de jouer aux jeux vidéo parce que dans les faits, j'ai toujours été un gamer assez, je dirais pas nécessairement assidu, mais assez obsessif, disons. Donc quand je commençais, je me souviens encore quand j'avais 12-13 ans, que mes parents me laissaient pas avoir beaucoup de jeux vidéo chez moi, que je pouvais seulement les louer la fin de semaine. Quand je louais par exemple Final Fantasy, j'installais dans ma console à 9h, je commençais à jouer et là à un moment donné je levais les yeux et ah, tiens, le soleil est levé. Et oui. Alors ça, en tout cas, moi, Andrew, je pense que t'as dû faire ça aussi souvent. Moi je suis un joueur raisonnable. Ah oui, tout à fait. Monsieur qui est en train de se taper... Dynasty Warrior 7, là... Non, je me couche à une heure raisonnable, là. C'est une heure par-ci, par-là. Mais non, c'est effectivement, ça, c'est des trucs, moi, ça m'est arrivé, entre autres, là, avec le Neverwinter Night. Ça, j'ai été... ça, c'était plus vieux un peu quand j'étais au cégep, quand même. Mais quand j'étais jeune aussi, là, justement, les jeux... En tout cas, on en parlait hors d'onde tantôt, tout ce qui est jeux, finalement, de roleplay, les RPG, c'est des jeux très immersifs. C'est sûr que ça amenait beaucoup à ça. Mais là, on peut pas... À nos âges, maintenant, parce que moi, j'approche la trentaine, Andrew, mi-20, je sais pas quel âge que t'as exactement, Gabriel. J'approche la trentaine. La trentaine également. À pleine vitesse. On a effectivement d'autres priorités. Mais là, on a quand même ce goût-là qui reste. Ça arrive des fois qu'on est là une fin de semaine, puis il me semble que je me traperais un 6-7 heures de gaming en ligne. Mais là, il faut gérer autre chose aussi. Mais là, on arrive à ça finalement. Justement, là, tu parlais justement de tes nouvelles priorités, le travail, tes dossiers, justement, académiques ont aussi changé. Mais il y a ce changement-là qui arrive. Ben, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a un moment, faut faire des choix, faut peut-être faire des sacrifices. Je pense aussi, on est dans une société, ça sent l'espèce de déclaration de merde généralisée, mais il y a une réalité quand même au niveau culturel auquel les autres générations n'ont jamais fait face. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans mon salon et que je me dis, bon, ben là, je peux me donner du temps soit de détente ou soit de semi-travail, j'ai accès à quoi? J'ai accès à Internet où je peux aller perdre mon temps ou apprendre des choses, dépendant comment j'utilise Internet. J'ai mon écran de télévision qui va me donner accès à des séries TV, ou à des nouvelles en direct. Et à Internet même, aujourd'hui. Ouais, ou à Internet, à des émissions de sport. Moi, dans mon cas, je suis un fervent fan de sport, donc j'ai toujours du sport en direct qui est disponible. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis un étudiant en littérature, donc il y a des piles et des piles et des piles de livres que je dois traverser. Et comme... Quand je regarde mes piles de livres, ben un seul livre, c'est de 3 à 6 à 10 à 12 heures de lecture quand même qu'il faut que je consacre un jour ou l'autre. Ma télévision, ça peut aussi vouloir dire regarder des séries TV en DVD ou aller au club vidéo regarder des films. Donc, j'ai comme une espèce d'accès à des archives culturelles immenses. Et c'est pour ça, en fait, que pendant un bon moment, je voulais pas avoir de console parce que je sentais... que j'avais tellement de choses à lire, à regarder, à écouter, etc., que mettre les jeux vidéo là-dedans, surtout considérant, comme je l'ai dit, que quand je me mets dans un jeu vidéo, je me perds complètement dedans, ça devenait un peu déraisonnable. Ça devient dangereux. Là. Je te comprends, parce qu'on en parlait aussi. Moi, j'ai un bac en littérature. J'ai traversé aussi ce côté-là. Il faut lire et écrire aussi beaucoup. Et ça, c'est un truc que j'ai perdu malheureusement, parce que je suis tombé dans ce piège-là, moi, du jeu, de la télévision, des séries. En plus d'être occupé avec le boulot et l'émission ici, là, ça prend quand même du temps de préparation. Non, ben ça, l'émission, c'est pas un travail. Non, pas du tout. C'est que du plaisir. Mais ça prend du temps pareil qu'on consacre pas à autre chose. Donc, effectivement, j'ai perdu ça. Petite parenthèse, plus que c'est rare qu'on a Gabriel qui vient, qui dit d'ailleurs que c'est un ancien collaborateur. On a, j'en dirais qu'un ancien animateur et producteur de Puissance Maximale, Vincent Langlois, qui vous tenait à te dire bonjour. Fait que j'y ai transmis l'information. Fait que mission accomplie, Vincent. Salutations à Vincent. Salut Vincent. Et donc, oui, c'est ça. Puis là, en fait, ça, c'est la raison un peu de cette chronique-là, c'est que tu t'es acheté finalement une console. Oui, en fait, j'ai cédé à la tentation. La dernière console que j'avais possédée avant, c'était une PlayStation 2, avec laquelle j'avais une espèce de rapport pas tant amour-haine que passif-agressif, c'est-à-dire que la passivité, c'était la mettre dans une boîte à souliers, la mettre dans mon garde-robe, et quand elle était débranchée, ça allait bien, j'y pensais pas. Mais des moments, par exemple, quand j'avais un peu des espèces de vacances académiques ou professionnelles, je me disais « Oh, ben là, je vais me faire un jeu. » Je le sortais et là, j'étais complètement compulsif. Je me souviens qu'un moment, je lisais un livre où il parlait de golf. J'étais comme « Ah, ce serait bien de jouer au golf, mais il est au mois de janvier. Ben, je vais jouer à Tiger Woods. » Je l'ai mis dans ma... J'ai sorti ma PlayStation 2, j'ai commencé à jouer, puis... Tu sais, une semaine après, j'étais parti de amateur et j'avais gagné comme tous les tournois de la PGA. J'avais gagné le Grand Chelem des tournois majeurs. Donc, j'avais ce rapport un peu problématique-là. Et c'est pour ça, en fait, que j'avais décidé de ne plus avoir de console. Ce qui s'est passé, par contre, c'est que il fallait que je me fasse retirer les dents de sagesse à la fin de l'été. Et mon médecin m'en avait parlé en disant comme planifie quand même le pire. C'est une opération dont ça peut être un peu long se remettre. Tu vas devoir manger du mou pendant les premiers jours, mais c'est assez douloureux des fois, comme la cicatrisation. Donc, on va te donner des antidouleurs, on va donner plein de machins. J'avais déjà traversé pareille épreuve. En fait, quand j'avais 19 ans, je m'étais fêlé l'avant-bras dans un accident de longboard. Donc, pardon. Pendant un moment, j'avais un bras dans un attel et j'avais de la mobilité dans le poignet, mais c'était comme une espèce de simili-fracture. Et ce que mon médecin m'avait dit, c'est tu peux pas, on te mettra pas de plâtre parce que c'est très long faire de la physiothérapie pour t'en remettre. On va donner des antidouleurs pour que ce soit supportable, mais il va falloir que tu te tiennes ton bras en attel et que tu aies de la mobilité. Et il m'a dit, est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Je lui ai dit, bien sûr. Il a dit, bon, ben fais ça parce que ça va justement garder la mobilité dans ton poignet. Quelle belle excuse. Ah, c'était génial. Ça a été. Ben, à part que vraiment l'effet de la codéine, c'est vraiment pas plaisant parce que t'es juste un peu zombie. Je te comprends. Moi, j'ai fait un examen de programmation sous cet effet-là. Je sais pas si t'as eu des bonnes notes. Ben, j'ai passé. Oh, wow. OK. Mais j'ai pas chauffé, par exemple. Non, parce que c'est ça, en fait. Donc, moi, ce que je me suis ramassé à faire pendant plusieurs semaines, ça a été de jouer notamment un jeu de hockey parce que le jeu de hockey me permettait de pas avoir toute ma concentration comme si c'était un gros investissement. Ça devient quasiment mécanique. C'est là. Ça. Et je suis devenu réellement une brute. Là. Comme mes amis venaient me voir parce que j'étais un peu incapacité. Et là, ils disaient, ben, on va jouer au jeu. Puis la seule manière dont ils acceptaient de faire des parties avec moi, c'est que moi, je prenais l'équipe du Kazakhstan et eux, équipe Canada. Parce que sinon, il n'y avait juste pas de match. Et même quand j'étais équipe du Kazakhstan, j'ai battu 3-0 au hockey. Donc, quand on m'a annoncé... Bref, pour revenir au présent, quand on m'a annoncé l'opération, je me suis dit, bon, ben là... ça va être l'occasion jamais de gamer. Il y a certains jeux que j'ai envie de faire à la PS3. J'avais envisagé pendant un moment d'emprunter. Parce que c'est ça, c'est comme si j'allais prendre de l'héroïne. Il fallait que je me trouve des stratégies. Tu redoutais le retour de cette console-là à la maison. Hein. Exactement. Donc, c'est ça. Je me disais, ah, ben là, il faudrait faire attention, mais en même temps... Dans ce cas-là, t'aurais dû t'acheter une Wii. Ben, en fait, ma sœur en a une, oui. Mais elle me l'a prêtée, elle aussi, pendant un moment, parce qu'elle a changé de télévision, puis elle pouvait pas l'avoir. J'ai eu une Wii chez moi, et à l'intérieur de 2 semaines, j'avais sauvé la princesse à Super Mario Bros. Wii Plus et à Zelda. Donc, j'ai été très compulsif là, dans ces jeux-là aussi. Parce ouais, mais ça coûte moins de jeux à faire le tour. Fait que c'est moins pire. C'est sûr que l'espèce de prolifération de jeux est moins grande, sauf qu'en même temps... Je me suis dit, ben, faudrait aussi que j'apprenne à gérer ce rapport-là au jeu, là, que je tombe pas comme systématiquement de manière obsessive et compulsive dans ces jeux-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ben là, je vais pas emprunter une console, je vais l'acheter. C'est pas si cher que ça. Il va avoir un lecteur Blu-ray dedans de toute manière. Ma copine, en fait, est une fan de jeux vidéo. Elle a une console NES, sa console NES, chez elle. Elle joue encore à Super Mario Bros. 3. Elle a toujours pas fini Link parce qu'elle savait pas comment finir le 5e château. J'ai montré que sur Internet, il y avait toutes les solutions maintenant. Mais elle est un peu ce genre de... Elle a pas une grosse éducation de jeux vidéo, mais elle apprécie les jeux vidéo. Elle a le goût de jouer. Si elle joue pas, elle aime bien me regarder jouer de la même manière dont moi j'aime pratiquer des sports, mais le football professionnel, la raison pour laquelle je regarde la télévision, c'est que j'aimerais pas ça le pratiquer. Non, c'est un peu rough et voyant ton allure physique. C'est ça, moi, avec mon gabarit, là, les commotions. Tu durerais pas longtemps. C'est ça. Donc, avoir une console de jeux vidéo, ça me donne aussi quelque chose à faire avec ma copine. C'est sûr que ça aide quand on a quelqu'un dans notre vie qui est aussi fan de jeux. Ouais. Ça devient compliqué quand on est compulsif, comme tu le dis. Puis essayer d'expliquer que c'est le fun jouer aux jeux vidéo, quelqu'un qui comprend pas ça, ben ça risque ça peut être source de tension, puis même source de tension avec quelqu'un qui apprécie le jeu, là, c'est une question de dosage, mais ça aide beaucoup, disons. Ben ça j'y reviendrai, mais effectivement, avoir quelqu'un dans sa vie qui aime ça aussi, ça peut aider. Donc c'est ça, quand j'ai fait le grand saut et que je me suis acheté une PlayStation 3, j'ai fait un retour. J'ai acheté la console avec Little Big Planet parce que ça, je savais que j'allais jouer avec ma copine, mais je me suis surtout acheté Grand Theft Auto 4. Classique. Oh my god. Moi, le dernier jeu que j'avais vraiment parcouru là, abondamment, puis c'est que je m'étais rendu compte que j'avais un problème. C'est un peu comme l'alcoolique qui a plus d'argent, puis dit « Ah, mais peut-être que j'ai un problème. » Le dernier jeu, c'était justement quand j'étais à la maîtrise et qu'il y avait un ami à moi qui travaillait sur Grand Theft Auto San Andreas qui avait écrit des articles dessus. Et je m'étais dit « Ah, ben pour bien comprendre son article, je devrais jouer au jeu. » Je l'avais acheté en l'intérieur d'une semaine, j'avais complété le jeu à 97%. Là. Je jouais 12 heures. C'était ma semaine sabbatique, c'était ma semaine de lecture, mais j'ai fait très peu de lecture, beaucoup de gaming. Et donc, moi, c'était impératif que je joue à Grand Theft Auto 4. Et puis là, t'as aimé ça. Oh! je considère que c'est probablement une de mes plus grandes expériences là, de gamer à vie. Ça veut dire que tu dois attendre la 5 avec impatience. Oh oui, là, comme j'ai vu que le trailer du. Le trailer numéro 2 était le 14 novembre, mais je l'ai littéralement mis à mon agenda. Moi, je suis compulsif, mais peut-être pas à ce point-là. J'ai un gros fan de Skyrim, puis mettons que j'attends pas les trailers. Quand je les vois, je capote, là, mais. Ben, je les mets pas à mon agenda, par exemple. Je trouve qu'il y a quelque chose avec les Grand Theft Auto qui est dans l'univers qui est absolument. Incroyable. Déjà, j'avais beaucoup apprécié. Bon, c'est ça, moi, je joue depuis GTA 1, là, depuis la vue top-down. GTA 2, qui était un peu gossant. Le GTA 3, qui était... Il y avait vraiment plein de problèmes de physique. Vice City était très agréable, mais j'aime pas beaucoup la musique des années 80, donc c'était un aspect qui était un peu lancé. Ouais. Mais San Andreas, là, j'avais trouvé que la balance entre la narrativité et l'interactivité était vraiment bonne. Et là, GTA 4, c'est un univers qui est tellement dense, qui est tellement riche. Le seul reproche, bon, évidemment, le reproche qu'il y a toujours avec les jeux GTA, c'est que tu peux pas faire grand-chose d'autre que juste aller tirer des gens. Là. C'est quand même... Il y a aucune mission qu'ils vont te donner qui va être « va faire l'épicerie ». Là. C'est toujours comme « il y a quelqu'un qui va finir avec un genou. » Pour ça, faut que tu joues à Postal, mais généralement, ça vire de mauvaise façon. Mais et donc, c'est ça. Puis la richesse incroyable de l'univers de jeu, c'est ça qui m'a fasciné. C'est sûr que moi, les premières fois où je jouais, j'allais faire des missions, j'essayais de me... Mais il y a des moments où je me promène dans la ville, et une fois, je me souviens, j'étais en direction d'une mission, et j'ai entendu quelqu'un parler au cellulaire, je me suis dit, mais attends un peu, qu'est-ce qu'elle dit là? Et j'ai suivi la personne pendant plusieurs coins de rue, et mon Dieu, la personne est en train de discuter. C'était un homme qui discutait avec probablement sa copine, et il apprenait qu'il s'était fait tromper, là, lui dire, ben moi, j'ai trompé avec ton frère, puis là, ça devenait... Là. Mais je me disais, mais quelle espèce de détail anodin que personne va remarquer, qu'ils ont quand même mis dans le jeu. C'est des univers qui viennent tellement immersifs qu'on y croit. Là, on en parlait un peu tantôt hors d'onde. Là, on parlait de Skyrim aussi, mm-hmm. que cet attrait-là du côté monde ouvert, mais avec tout le temps des petits détails de discussion où on se promène, puis là, ça commence à parler, tu vas te mêler à la discussion, tu vas voir de quoi il parle. Puis un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer un peu. On peut jouer à Skyrim, pas obligé de faire la quest principale. On va, comme je dis, on va chasser, on va se promener un petit peu, on joue une petite heure, puis c'est fini. Puis on peut faire ça. Puis c'est un peu la même chose dans les Grand Theft Auto. On n'est pas obligé de s'investir pendant 3 heures non, à chaque fois. C'est le jeu est bien modulé pour ça qu'on peut décider de faire une mission, de dire ah, je vais juste faire une demi-mission, puis je vais faire autre chose. Donc, moi, par exemple, bon, c'est ça, en fait, là, pour, mon opération s'est assez bien passée. Au bout de 3 jours, j'étais plus en train de prendre la drogue, mais je jouais quand même assez compulsivement. Ben, en fait, je prenais toujours de la drogue, était juste différent. Exactement. Mais, c'est juste qu'elle s'appelait plus codéine. C'est ça. Mais ce qui se passait, en fait, c'est que j'utilisais le jeu comme moment de détente dans ma journée de travail. Bon, je lisais pendant 2-3 heures un essai compliqué de sémiologie. Je me disais, ah, je vais prendre une pause, je vais faire juste une ou deux missions de Grand Theft Auto. Puis ça fonctionnait assez bien. Mais il y a eu des moments qui étaient très immersifs. Je me souviens qu'il y en avait un où, justement, ma copine était chez moi, était partie coucher. Et moi, je jouais, puis je me dis, bon, ben là, ça va. T'sais, il va juste me rester une mission. Et j'ai terminé la mission, en fait. Et à ce moment-là, mon cousin dans le jeu, le cousin de Nico, Roman, se faisait kidnapper par un des vilains. Et là, tout de suite, on est lancé vers la mission. Et j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire. L'acteur vocal qui faisait Nico, tout le temps où on se rend vers la mission, il crie des lignes de dialogue. Il est comme absolument furieux parce qu'il dit « On touche pas à ma famille, on touche pas à ma famille. » Il hurle, puis il y a beaucoup de F-word, etc. Et même pendant qu'on fait la mission, il y a toujours des moments où Nico commence à crier après les... T'sais, il crie contre les gens qui tirent après comme ça. Et j'étais vraiment... J'étais comme emporté émotionnellement. Il y a un moment où là, ma copine m'a dit, ben, viens te coucher là, il est rendu, tu sais, minuit, une heure du matin, puis j'ai dit, non! Faut que je sauve Nico, là, pis de quoi tu parles? Ah non, il y a des jeux comme ça. Oui, il y avait le jeu Vampire Bloodlines, où ça, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup embarqué, puis il y a des moments d'émotion qui remontent, puis on est là, ah non, c'est pas vrai que ça va se passer de même, puis on vient aussi enragé que le personnage. Mm-hmm. Je te comprends tellement, mais effectivement, ça peut poser problème pour le dodo. Vincent Langlois fait une petite note sur GTA. Il dit « Le plus proche d'aller faire l'épicerie était dans San Andreas où on pouvait manger au resto, grossir et aller s'entraîner au gym. » Et ça, c'est un aspect, honnêtement, Vincent, que moi, j'ai détesté. Parce que quand j'ai joué à San Andreas, je me suis rendu compte qu'il fallait un peu paramétrer pour devenir que notre avatar soit le plus en forme possible. J'ai décidé, bon, je vais pas faire ça par petite tranche, donc je vais aller faire des push-ups puis du vélo stationnaire d'un coup. Fait que j'ai passé une demi-heure à peser sur AB, AB, AB. C'était très lassant, tandis que ce que j'ai apprécié dans GTA 4, c'est que vraiment, on est lancé dans l'univers, on peut commencer à jouer tout de suite. Puis un aspect, en fait, que moi, l'aspect que j'ai trouvé peut-être le plus réussi dans le jeu, c'est le fait que on nous vante beaucoup la qualité qu'auraient les jeux maintenant d'être multilinéaires, c'est-à-dire qu'à certains moments, il faut faire des choix. Donc, il y a des jeux comme Fable ou... je sais pas si c'est Bioshock ou Mass Effect, j'ai essayé de jouer récemment, où l'on te pose des questions et ça détermine un peu ton orientation morale ou éthique. Ben en fait, dans Bioshock, t'as le choix se porte sur les petites sœurs, dans le fond, là, mm-hmm. que tu décides de soit les récolter l'énergie qu'ils ont ou les sauver. Puis Mass Effect, ben, c'est un jeu de BioWare. C'est un jeu de BioWare où il y a plus de choix moral, là, effectivement. Mais le problème avec ces jeux-là, c'est que bon, c'est un développement intéressant d'un point de vue d'œuvre artistique, d'avoir des choix éthiques à faire, pas les subir, mais en même temps, ils sont tellement évidents et transparents que tu sais, est-ce que tu veux sacrifier la personne qui. Est-ce que tu veux prendre son énergie pour toi, ce qui te fait de toi quelqu'un de méchant ou ouais, c'est la sûr. Sauver? Mais ce qui est intéressant, c'est que dans GTA 4, je pense que GTA 5 va accentuer ça, mais dans GTA 4, il y a quelques moments dans le jeu où on doit faire des choix. Mais le choix, honnêtement, j'ai aucune espèce d'idée ça va donner quoi comme conséquence, parce que je suis un personnage à morale. Je veux dire, je décide si je vais tuer un personnage ou non. C'est quand même une autre dynamique là, dans les choix à ce moment-là. Oui, parce que en fait, je peux pas prévoir qu'est-ce qui va se passer, parce que si je suis devant un mafioso, il faut que je choisisse si je le tue ou non. Qu'est-ce que je fais? Si je le tue... ben sa famille va venir me courir après, puis si je le laisse en vie, les adversaires de l'autre côté peuvent me courir après. Donc j'ai trouvé que, étonnamment, peut-être que un des paramètres, justement, la multinéarité, le fait de faire des choix moraux, qui est une des avancées intéressantes du jeu vidéo, ne fonctionne jamais aussi bien que dans un jeu comme GTA, qui est, à la base, reconnu pour être complètement amoral. Mm. Ah, tout à fait. On rentre dans cette nouvelle dynamique-là. Là, le temps nous presse, mm-hmm. On revient pour terminer un peu à cette PlayStation Pro à 3 qui est rentrée chez vous, à ces jeux-là. Comment tu as géré ça finalement? Ben, j'ai décidé d'accepter pour moi-même que justement que les jeux vidéo c'était quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. On a grandi avec ça. On est un peu la première génération qui a eu la Nintendo depuis qu'on avait 7 ans en dessous de l'arbre de Noël. Et donc peut-être que pour nos parents, je veux dire. Quelqu'un de l'âge de mon père, si son collègue dit « Ah, ben moi j'ai passé ma soirée à jouer aux jeux vidéo », il dirait un peu comme « Qu'est-ce que tu fais là? C'est une affaire de jeune. » Mais pour nous, c'est un produit culturel comme un autre. Pour moi, un GTA ou le nouveau Madden, c'est un événement comme la sortie d'un film, comme la sortie d'un roman. Tout à fait. Et justement, pour moi, alors que comme je vous disais au début, quand je suis dans mon salon, je regarde mes options, je regarde mes livres, je regarde ma télévision, je regarde Internet, je me demande toujours qu'est-ce que je vais choisir là-dedans. Ben, le jeu vidéo, pendant un moment, c'était moi-même, en fait, je luttais contre ces préjugés-là, mais j'en étais victime, et je me disais, ah, ben, c'est un divertissement, c'est une perte de temps, alors que maintenant, je me dis, non, ça l'est pas. Et oui, quand je regarde une boîte de jeux vidéo, ça représente, je disais tout à l'heure qu'un livre, c'est de 4 à 10 heures de lecture, ben, un jeu vidéo, c'est de 10 minimum à je sais pas combien. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est ça, comme faire un GTA, comme je vous dis, quand j'ai terminé le jeu la première fois, j'ai regardé générique au complet. C'était la première fois que je faisais ça pour un jeu vidéo. Et donc, je pense que c'est rendu important dans ma vie. Le fait d'avoir... Ben, mes amis aussi sont dans la même réalité. Mes amis commencent à être parents, ont du travail. Et donc, je peux passer une soirée avec eux ou plutôt que, je sais pas moi, genre, prendre des bières, regarder le hockey, ben, on va jouer un jeu vidéo pendant 2-3 heures. C'est rendu une option culturel viable. Et c'est ça, ma blonde, en fait, qui est un peu mon ange gardien. Quand on joue à Little Big Planet pendant une heure, il y a un moment où, ben, moi, je vais lui expliquer comment faire. Puis au bout d'une heure, on va dire, bon, ben, c'est assez. On va garder les autres tableaux pour demain. Pour demain. Ben oui. Mais là, finalement, on apprend finalement à vivre avec notre passion, puis à accepter que c'est effectivement un produit culturel, un produit de notre culture, de notre vie finalement, parce qu'on a été élevé là-dedans. On a à chaque génération, on avait la nouvelle console sous l'arbre. À Noël, on en parle parce que ça s'en vient, et on apprend à vivre avec ça. Merci beaucoup, Gabriel, de nous avoir fait parler à nous aussi de nos tranches de vie, et de finalement accepter que nous sommes des êtres ludiques. Merci beaucoup, Gabriel. Et ça m'a fait plaisir, les gars. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Après une si belle discussion, on arrive déjà à la fin. Je voudrais remercier Madame Chantal Campagna, qui était là en début d'émission pour nous parler jeux de distribution d'Oud. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir été là. Je remercie Monsieur Gabriel Godet de nous avoir parlé de sa vie, comment gérer et accepter la ludicité, si je peux dire, de nos existences. Monsieur Andrew Castegan à la console, qui fait un travail de maître comme à chaque semaine. Merci beaucoup, Andrew, d'être là. Toujours un plaisir. Et mon nom est Michael Michaud, votre animateur, aussi toujours heureux d'être là à chaque semaine pour vous parler jeu. Et on vous rappelle rapidement que Puissance Maximale est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez chercher toutes nos anciennes émissions, autres podcasts, chroniques et nouvelles. Allez aussi sur Facebook, pèsez sur le petit bouton j'aime, parce que nous aussi, on vous aime énormément. On fait ça pour vous, on fait cette émission-là. On n'est même pas payé que par passion et par amour. Hein? Donc, vous voulez dire que je suis pas payé, là? Non, pas du tout. On t'a bullshité. Oui, c'est ça. On t'a fait venir de Montréal sans le sou. Non! Et tu le resteras. Et allez donc sur Facebook, taper Puissance Maximale dans la barre de recherche pour nous retrouver. Allez également sur le ckiafm.org pour aller chercher votre carte de membre 2012-2013 de CKIA pour encourager la station et aussi Puissance Maximale. Par la même occasion, on vous laisse avec M. François Gécouillard tout de suite après avec le Cirque Aquatique Magique, émission déjantée, musicale et humoristique sur les ondes de CKIA. Et je vous dis, comme à chaque semaine, une excellente semaine de jeu. Kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not with my girlfriend, it's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify. It's the end. Till the day we one, two, three, four, die.